t'es fait changer la noule et aller pour nous pas cendrer. Si moi t'es fait river, transformer toute l'idée et toute pensée. Pas t'es qu'éré tes yeux mouillés et tout ça l'en met qu'à chercher. Pas t'es qu'éni tout ça t'y m'en m'aille qu'à pleurer. La preuve nous c'est Dieu nous qu'a sauvé nous. Pas te gagner tout ça, tu m'en m'aille.